futurs proches Green Reapers. Yeah. Obligé de faire semblant de vivre bien. Toujours la même chanson. Toujours le même refrain. Obligé de faire semblant de vivre bien. Obligé de faire semblant. Eh ouais, je roule ma bosse. Et si je trouve la force, tu sais, c'est seulement pour ma gosse. De me croire, je sais, mais je t'aime, ma belle. J'ai tout gâché encore une fois et je noie dans une bouteille ma peine. J'écoute mon cœur, ouais, je sais que c'est le patron. Je reste dans mon coin et c'est vrai que je parle pas trop. Et si j'y crois, les autres peut-être, mais moi sûrement pas. Mes proches inquiètent, m'en parlent et s'arrêtent sur mon cas. Putain, je rappe et je me dis que je n'ai plus l'âge des fois. Je m'écoute en boucle comme un con et puis je me lasse de ça. Je reste dans ma bulle et je me sens si à l'étroit dedans. Je surveille mes arrières en me disant d'y aller droit devant. J'écoute mes vieux démons à force de les entendre parler. Je fais la sourde oreille et limite mon temps de parole. Et je souris grâce à ma femme, ma fille et ma passion. Malgré des problèmes de fric, de cœur et de boisson. Obligé de faire semblant de vivre bien. Dur de garder le sourire et de croire en demain. Obligé de faire semblant de vivre bien. Toujours la même chanson, toujours le même refrain. Obligé de faire semblant de vivre bien. Dur de garder le sourire et de croire en demain. Obligé de faire semblant de vivre bien. Toujours la même chanson, toujours le même refrain. Je fais que mentir au peuple, pour ça que James a marcelé. C'est encore un mytho de plus quand je te dis que je suis azelé. Trop longtemps hypocrite, alors maintenant je vous dis tout. Ce sourire d'ange se cache un furibou. J'ai pas le choix, faut que je tienne les rênes. Respecter les règles, mettre de côté mes rêves pour sortir indemne de ce raid. Faire semblant n'est pas chose simple. Simuler devant ses teintes, dire que tout va bien malgré ton teint. C'est à ça que je suis contraint. Je rarement pisse, mais je passe shalom. Le salam à mes frères, même si je le slalom entre les vrais gars, les faux et les faibles. J'ai la mémoire endolorie, je vois qu'un seul coloris. Trop sombre, mon ami, difficile de gaulerie. Mais je dois faire semblant d'y voir, faire semblant d'y croire. Me raconter des histoires, s'il y a de l'amour, y'a de l'espoir. Je bluffe quand je suis sous tease, je te raconte pas sottise. Je fais semblant de vivre bien jusqu'à mon dernier soupir. Obligé de faire semblant de vivre bien. Dur de garder le sourire et de croire en demain. Obligé de faire semblant de vivre bien. Toujours la même chanson, toujours le même refrain. Obligé de faire semblant de vivre bien. Dur de garder le sourire et de croire en demain. Obligé de faire semblant de vivre bien. Toujours la même chanson, toujours le même refrain. Je connais le tarif. Merde. Et je paie tout comme un con en cash. Ah j'en, je vous les sens pas. Et je me sens comme un lion en cage. Et dès que je vais bien, bizarrement, je me retrouve à court de texte. Alors je fuis la nuit, les filles, les payes, les jours de fête. Je connais le refrain. Sans que le disque tourne, le silence me parle. Ça vaut mieux que des longs discours. Je perds mon temps. Et la chance me passe au nez. Les vrais artistes sont d'abord des passionnés. Obligé d'avoir un masque, je triche face à ces garces. Je distribue les cartes et dans ma manche je cache un as. Obligé de mentir, la vie est rose alors que je m'enterre. Je me lève, je tease et puis je m'endors. Tu vois, chaque verre d'alcool que tu ingurgites, ça va te tuer 1000 cellules du cerveau. Mais c'est pas grave parce que t'en as des milliards d'autres. Les cellules de la tristesse meurent en premier. Et là, t'as un grand sourire. Ensuite, c'est au tour des cellules du silence. Alors là, d'un coup, tu te mets à parler très fort, sans aucune raison valable. Et ça fait rien. Ça fait rien, tu perds les cellules de la bêtise juste derrière. Et tout ce que tu dis devient très intelligent. Et à la fin, c'est au tour des cellules de la mémoire. Celles-là, elles sont pas faciles à tuer. Obligé de faire semblant de vivre bien. Dur de garder le sourire et de croire en demain. Obligé de faire semblant de vivre bien. Toujours la même chanson, toujours le même refrain. Dur de garder le sourire et de croire en demain.